Et lorsque l'idée meurt chez l'homme, lorsque l'homme commence à prendre conscience que l'idée n'est pas ou n'a pas de réalité autre qu'une projection psychologique, à ce moment-là, il cesse de se fatiguer au niveau des idées et il commence à se former en lui la liaison entre le double et son être matériel. C'est ce que vivent aujourd'hui les êtres sur la Terre qui sont les plus évolués. Ils n'ont plus d'idées. Ils ne fonctionnent plus en termes d'idées. Ils souffrent la période de fusion entre ce double et le corps matériel. Et ils avancent dans la clarification de leur intelligence, c'est-à-dire dans la canalisation de l'énergie qui devient, pour l'homme, l'imagination pure. L'imagination pure étant cette faculté de l'homme de recevoir instantanément, par voie télépathique supérieure, de l'information qui vient des hauts plans de l'évolution et qui sert à créer sur la Terre un ordre nouveau. Si vous regardez les idées philosophiques des siècles anciens, les idées grecques, les idées romaines, les idées napoléoniennes, les idées hitlériennes, toutes les idées ont servi à l'expérience humaine. Le communisme. Et tant que l'homme n'est pas dans son intelligence, il n'est pas capable de voir à travers les idées. Donc, automatiquement, il devient prisonnier de leur forme et il s'assujettit à l'expérience, il souffre et automatiquement, il devient ou il continue l'œuvre d'influence satanique sur le plan matériel. Tandis qu'un homme qui n'a pas d'idée, qui a seulement de l'intelligence, l'y détruit au fur et à mesure qu'elle le bombarde, il lui demeure toujours libre de leur forme et il n'attend que la conjonction des événements qui sont créés par les forces supérieures en lui pour la concrétisation sur le plan matériel dans leur temps de ce que doit devenir la nouvelle société humaine. C'est très important que nous regardions le phénomène de l'idée. Parce que le phénomène de l'idée, c'est un phénomène qui ne ressort pas de la conscience cosmique. C'est un phénomène qui ressort de la faculté analytique du projet humain, qui est la vie humaine existentielle. C'est un phénomène qui est le produit de l'analyse constante de la situation chez l'homme. Et c'est un phénomène qui empêche l'homme de se gérer par lui-même. Et quand je dis se gérer par lui-même, je veux dire en arriver à un état d'ébullition interne qui est tellement puissant que tout ce qui est double en lui devient la force primaire et primale de sa conscience humaine sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Au lieu que ce soit l'envers. C'est le feu à l'intérieur de l'homme. Cette conscience vibratoire en lui qui doit faire éclater les sceaux ou le sceau de l'idée, au lieu que l'idée, elle, prenne sur lui une présence de plus en plus forte et qu'elle le conduise constamment à l'expérience. Et l'homme qui comprend ceci comprend déjà les aspects occultes de la sixième race, il comprend déjà les aspects occultes de son double, il comprend déjà l'occulte, autrement dit le caché de l'intention ou de l'imagination cosmique en lui, il comprend déjà le détachement total sur le plan mental et sur le plan émotionnel de toute relation avec l'idée, il se désengage totalement sur le plan de l'idée et il vit de plus en plus seul. Il vit de plus en plus sans aucun soutien idéationnel. Il s'aperçoit de plus en plus poussé par cette force en lui qui est double. Et il commence à améliorer lentement son sort humain jusqu'au jour où son sort humain est totalement amélioré, c'est-à-dire totalement assujetti au pouvoir vibratoire de cette force. Et à ce moment-là, il n'est plus influencé par la condition planétaire de son plan de vie. Il entre dans sa destinée et il est dans la micro-société. Il façonne, il crée dans la micro-société. Mais pour que l'homme vive ou crée une micro-société, il faut qu'il ait de l'intelligence, non pas des appétits. Et qu'est-ce que c'est que l'appétit? L'appétit, c'est l'enfant qui naît de l'idée. C'est ce qui permet à l'idée de se continuer dans l'expérience humaine, jusqu'à temps que l'homme s'aperçoive qu'il y a une faille dans la continuation ou dans l'élaboration de cette idée. Mais l'homme qui ne vit pas dans l'idée, qui est totalement dans la conscience vibratoire de son intelligence, ne vit jamais de faille. Il y a constamment de la continuité dans sa vie, et s'il regarde un peu derrière lui, il s'aperçoit qu'effectivement, il y a continuité. Et cette continuité le mène là où il doit aller, c'est-à-dire vers une conscience de plus en plus réelle, c'est-à-dire vers une intelligence de plus en plus absolue, c'est-à-dire vers une condition interne qui abolit automatiquement les 6 premières conditions que j'avais établies au début, visant à démontrer l'influence satanique sur l'homme, sur la terre. Tant que l'homme n'a pas atteint un stade de fusion, l'idée sert, parce que l'idée étant expérientielle, elle sert à lui faire réaliser qu'elle est effectivement une déformation de l'image réelle en lui. S'il apprend à réaliser la déformation inévitable de l'image réelle en lui par l'idée, il se sert à ce moment-là de l'idée pour augmenter en lui la relation entre le double de sa volonté réelle, son intelligence réelle et lui-même. C'est pourquoi l'idée, dans un sens, elle sert, et dans un sens, elle dessert. Elle sert parce qu'elle vous amènera quelque part où vous verrez qu'elle n'est pas ce que vous pensiez, et elle dessert parce qu'elle n'est jamais le produit de l'imagination pure, parce que l'imagination pure ne se manifeste jamais avant le temps. Une des grandes lois de l'imagination pure, de l'imagination créative ou de la créativité chez l'homme, c'est que le jeu de l'événement est toujours sous le contrôle des forces qui sont en dehors du biologisme humain, contrôlées par la mentation ou l'émotionnel. Il n'est pas nécessaire à l'homme de savoir comment se développera telle chose dans sa vie. L'homme peut savoir que se finalisera tel événement dans telle ou telle condition, mais en connaître tous les développements, ce n'est pas nécessaire, parce que s'il le savait, il ferait obstacle au processus d'imagination en lui. Autrement dit, au processus d'énergisation qui doit convaincre, rassurer l'homme en fonction de son mental et de son émotionnel au fur et à mesure qu'il se libère de sa subjectivité. Alors, c'est très important pour l'homme d'apprendre à vivre en dehors de la forme de l'idée, de ne se servir de l'idée comme étant un aspect d'un avenir, mais qui lui est totalement caché. Sinon, il souffre. Si nous considérons l'humanité aujourd'hui, nous nous apercevons que l'homme est un être surdoué pour l'erreur. Votre vie est une catastrophe sans fin. Justement parce que nous avons beaucoup d'idées. Et ce n'est pas l'idée que nous avons de besoin. Ce que nous avons de besoin, c'est la volonté. Parce que la volonté contient un certain nombre d'éléments. La volonté contient d'abord le secret de l'événement futur. Quand vous prenez une décision, vous ne connaissez pas toutes les conséquences, mais vous savez qu'il y a un bris avec une condition, et de là se développent les événements futurs. Donc, la volonté réelle contient le secret des événements futurs. Elle en contrôle la chaîne. Et ce que l'homme a de besoin, c'est la volonté qui ouvre cette porte. Ensuite, la volonté éteint automatiquement dans l'homme l'émotion du statu quo. Donc, la volonté éteignant l'émotion dans le statu quo, elle élève la vibration de l'homme et elle permet qu'il y ait une plus grande liaison entre le double et l'homme. Troisièmement, la volonté contient son intelligence, c'est-à-dire que dans toute volonté réelle, il y a de l'intelligence parce que l'intelligence étant l'imagination qui vient des hauts plans vers l'homme et la volonté étant l'énergie qui part de son double vers lui, et les deux se lient ensemble. Donc, la volonté et l'intelligence sont toujours ensemble. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'intelligence de sa volonté, il peut saisir de l'intelligence dans sa volonté. Autrement dit, même si l'homme ne peut pas voir les conséquences de l'acte volontaire réel, il peut réaliser qu'il y a de l'intelligence dedans. Pourquoi? Parce que la pression créée par le double le force à prendre une situation de vie, à en changer le statu quo pour créer un autre ordre quelconque. Déjà, cet autre ordre, il est bon. Parce que il a tué l'émotivité. Il a éteint l'émotivité qui avait maintenu auparavant l'homme dans sa situation. Donc, la volonté contient son intelligence. Et quatrièmement, la volonté, si elle est très forte, chez l'homme de plus en plus cosmique, elle est automatiquement de plus en plus grande, elle est de plus en plus diffusante, elle est de plus en plus créative. Donc, elle devient, chez l'homme, selon son niveau d'évolution, elle devient une force majeure dans l'évolution de la société humaine. Donc, les hommes de volonté formeront une pyramide d'énergie sur la Terre au cours des siècles, et cette pyramide d'énergie sera en contact avec les plans subtils de l'éther, ce que nous appelons le gouvernement invisible. Et ce sont ces forces qui contrôleront l'évolution de la sixième race. Mais l'homme, pour vivre de sa volonté réelle, doit être capable de vivre en dehors de l'idée. On n'a pas besoin d'idée pour vivre. Mais c'est très difficile pour l'homme de vivre sans idée parce que l'homme pense. Et comme l'homme pense, il est obligé de se servir de ses idées pour mesurer sa pensée, pour observer sa pensée, pour la constater. Mais il y a un truc chez l'homme qu'il ne connaît pas. L'homme doit apprendre une chose, que chaque fois qu'il a une idée, elle n'est pas bonne. Aussitôt que l'homme a une idée, elle n'est pas bonne. Et vérifiez vos expériences et vous verrez que quand vous avez une idée, elle n'est pas bonne. Elle mène à une autre idée, mais elle n'est pas bonne. Et la seule idée qui sera bonne, ce sera la dernière qui aura pris naissance au cours de la chaîne d'idéation. Ce sera la dernière idée, et cette dernière idée, vous verrez que ce n'est pas une idée, c'est un flash qui vient dans un instantané. Donc, vous verrez que dans l'homme, il y a une idée qui mène à une autre idée, qui mène à une autre idée, et enfin, il y a un processus qui se déclenche chez l'homme, et ce processus-là, il n'est pas idéationnel, il n'a pas été pensé. Il a été réalisé dans un instantané, la volonté du double a agi sur l'homme et l'action a été commise et le changement de vie s'est appliqué. Et ça, c'est absolu, ça se fait dans toute la vie de tout le monde. Si l'homme apprend à rejeter ses idées, dans ce sens que l'homme apprend à ne pas prendre ses idées au sérieux, il commencera à percevoir la progression de l'énergie en lui, au lieu de percevoir l'image qui vient avec l'idée. Alors, il s'habituera à sentir l'idée par la vibration du double, au lieu de percevoir l'idée par le processus de mentation. Et il deviendra très apte à ceci, et il saura, aussitôt qu'on lui lancera une idée, il saura qu'elle n'est pas bonne. Il saura que ce n'est pas le temps. Il saura qu'il y a du temps encore. Il y a d'autres événements qui doivent être placés dans la configuration avant que telle manifestation oblige l'énergie à se manifester. Si les gens réalisaient que toute idée n'est pas bonne, les gens ne perdraient aucune énergie. Mais l'ego n'est pas habitué. Parce que l'ego fonctionne en fonction de l'idée. Aussitôt qu'il a une idée, d'ailleurs on le montre à la télévision, hein, la petite lumière de Westinghouse qui s'allume, pop, pop. Alors, aussitôt que l'homme a une idée, il s'accroche à cette idée, Et ils s'en servent temporairement. Donc, ils perdent de l'énergie temporairement. S'il ne se servait pas de l'idée parce qu'elle n'était pas là ou qu'elle était bloquée par son intelligence, sa réalisation, à ce moment-là, l'énergie irait plus loin en lui. Il serait obligé d'attendre pendant une certaine période, mais le double se ferait actif chez lui d'une façon plus prépondérante. L'homme prendrait conscience de deviendrait conscient de sa conscience vibratoire. L'homme deviendrait conscient de son double. Mais l'homme n'est pas conscient de son double. Il n'est conscient que de l'idée. Et pour devenir conscient du double, il faut perdre conscience de l'idée. C'est une autre loi de la mutation. Il faut perdre conscience de l'idée. Parce que l'idée ne vient pas du double. Elle vient de l'astral. Il n'y a aucune déformation dans l'imagination pure. Il n'y a aucune déformation dans l'intelligence qui descend vers l'homme. La déformation, elle est toujours au niveau de l'astral. C'est pourquoi un homme conscient n'a pas besoin de penser pour agir. Ça se fait tout seul. Tandis que l'homme inconscient a besoin de penser pour agir, sans ça, il n'a pas conscience ou il n'a pas l'impression de faire quelque chose. Et pourquoi il n'a pas l'impression de faire quelque chose? Parce qu'il a l'impression de faire quelque chose. Et ça, c'est son erreur. L'homme a l'impression dans la vie de faire quelque chose. Et l'impression de faire quelque chose, elle vient de quoi? Elle vient de son émotivité et du mélange de son émotivité avec son intelligence. Un homme conscient a toujours l'impression, a toujours la sensation de ne rien faire. Tout se fait seul. Et un homme qui a trop d'impression de faire quelque chose fait beaucoup trop de choses, donc perd beaucoup d'énergie, donc à un certain âge, il devient cardiaque ou il devient cancéreux parce qu'il a trop fait. Tandis que l'homme conscient ne fait rien. Tout se fait seul. Donc, il n'est jamais malade. L'impression pour nous, les hommes, de faire quelque chose, elle est tellement essentielle à la survie psychologique de l'homme, elle est tellement essentielle au maintien chez lui d'une valeur psychologique quelconque que s'il n'avait pas ça, il serait en dépression. Il trouverait la vie plate. Et c'est très dur pour un homme d'être bien dans une vie plate. Et s'il y a quelque chose de plate dans la vie, c'est justement la capacité de vivre en dehors de l'impression de faire quelque chose. Il n'y a rien de plus plate. Mais il n'y a rien de plus plein non plus. Parce qu'on n'a pas d'énergie à perdre. Donc, l'homme vit dans le mental jusqu'à temps que cette énergie descende dans la matière. En attendant, il prend un break. Sortir de la survie, ce sera l'expérience la plus difficile pour l'homme. Pourquoi? Parce que la survie est sous le contrôle de l'astral. La survie est une condition psychologique de l'homme. Dans la survie, il y a du moi qui souffre. La survie est l'imposition de certains événements sur l'homme. Donc, il y a encore du moi qui souffre. Parce que la volonté réelle n'est pas encore engendrée. La survie commence à diminuer lorsque la volonté réelle s'engendre. Mais pour qu'elle s'engendre, cette volonté réelle, il faut qu'il y ait eu combat entre cette partie de l'homme, le double, et lui-même. Et combat veut dire la destruction de tout ce qui empêche l'émotivité et la mentation de prendre possession de son énergie. Autrement dit, le satanisme dans l'homme doit être détruit pour que la survie n'existe plus. Lorsque la Bible dit « l'homme a été voué au travail comme la femme a été vouée à l'enfantement », Il y a beaucoup plus là-dedans qu'on s'imagine. L'homme a été voué au travail parce que l'homme a été satanisé lorsque le contact entre lui et les intelligences a été rompu. La femme a été obligée d'enfanter lorsque l'homme a perdu le pouvoir de la création biomentale sur le plan éthérique. Donc, la survie fait partie de la condition humaine, de la condition de l'influence planétaire, de la condition de l'évolution. Elle fait partie du lien satanique entre l'homme et des espèces d'intelligence qui font partie de toute la structure occulte du monde invisible, dont l'homme est effectivement le dada. Heureusement qu'à la fin du 20e siècle, il soit expliqué à l'homme les mécanismes de la vie. Sinon, si l'homme n'avait pas d'explication sur les mécanismes de la vie, l'involution continuerait. Et il se développerait au bout de cette involution un abcès énorme, qui serait une forme de spiritualité mondiale qui déjà existe un peu. Parce que la spiritualité, c'est toujours un abcès dans l'évolution. Cette partie de l'évolution où l'homme est obligé de se retourner à autre chose parce qu'il ne peut plus comprendre ou contrôler ce qui se passe sur le plan matériel. C'est un way out. Mais ce n'est pas parce que nous avons l'explication de l'homme que nous ne sommes pas obligés d'en connaître tous les aspects par nous-mêmes, en dehors de la philosophie mystique ou spirituelle. Pourquoi l'idée est satanique? Parce que l'idée fait toujours interférence avec le temps. Qu'est-ce que c'est le temps? Le temps, c'est l'événement qui est contrôlé par les forces de l'intelligence. Si l'homme fonctionne au niveau de l'idée, il intervient contre le temps. Il fait interférence aux événements et automatiquement les événements, au lieu d'être le produit de ses intelligences, les événements deviennent le produit de ses intelligences. Et comment les intelligences ici créent des événements différentiellement de celles-ci, c'est qu'à ces événements, il y a toujours un apport. Un apport. Il y a toujours un apport. Vous dites en langage humain, ça fait votre affaire. Il y a une constatation absolue dans l'événement qui est le produit de ces intelligences. C'est lorsque l'événement se manifeste, l'ego, le moi, n'en fait aucun cas. Il a tellement attendu qu'il n'en fait aucun cas, c'est normal. Mais l'événement qui vient d'ici, l'ego en fait beaucoup de cas, il est content. L'homme n'est jamais content avec l'événement qui vient d'ici. Cet événement-là vient dans un temps où il n'y a plus d'énergie dans l'émotion pour lui donner du contentement, parce qu'il n'y a plus d'astralité. Cet événement est venu à la suite, à la fin, la plus éloignée de tout ce qui peut être astralement content chez l'homme. Tout ce qui vient avant et qui lui donne du contentement astral fait partie des influences sataniques. C'est un autre point de référence que je vous donne. Et un point de référence essentiel, dont vous comprendrez la valeur au fur et à mesure que vous connaîtrez ou vous vivrez la mutation. L'idée soulage l'ego. Elle empêche le développement de l'imagination créative chez l'homme. L'idée n'est jamais aussi parfaite que l'imagination créative de l'intelligence. Parce qu'elle est expérientielle. Et c'est difficile pour l'homme de réaliser ceci parce que l'homme a une vision très, très peu claire de sa réalité. Donc, l'idée, pour lui, elle a toujours une certaine valeur. C'est lorsque l'homme est conscient de la volonté et de l'intelligence, de son éther, de son double, qu'il s'aperçoit du manque de clarté, du manque de perfection dans l'idée. Et un jour, l'homme devra avoir une perception très nette de l'idée pour savoir comment mesurer son action, son activité avec ce qui lui passe dans la tête. Sinon, il peut perdre beaucoup d'énergie. Vous pouvez même perdre beaucoup d'argent. Parce que tant que l'homme vit au niveau de l'idée, il ne sait pas vivre au niveau du temps. Et c'est le temps qui tue l'idée. Concevez une idée aujourd'hui et attendez et vous verrez qu'elle diminue en intensité, qu'elle diminue. Et un jour, elle n'est plus là. Si vous agissez sur elle, chez elle tout de suite, vous ferez une erreur. C'est le temps qui tue l'idée. Et je vous assure que le temps tue toute idée. Et que c'est à ce moment-là, lorsque l'idée elle est morte, qu'elle a été tuée par le temps, qu'il est temps de faire quelque chose. Je vous parle de ceci parce que je sais très bien que les conditions économiques, au lieu de monter, descendent. Moi, je suis toujours de l'opinion opposée aux économistes. Et je dis ceci pour que les gens qui ont quelque avoir matériel conservent et qu'ils ne se fassent pas enlever leur avoir matériel à cause de certaines idées qu'ils ont liées à une survie quelconque. Pourquoi l'idée est satanique? Elle n'est pas satanique parce qu'elle n'est pas bonne. Elle est satanique parce qu'elle sert ce qui est de plus bas chez l'homme. C'est-à-dire qu'elle est satanique parce qu'elle sert ce qui améliore sa vie. Alors vous direz, mais oui, mais c'est bon que l'homme améliore sa vie. Je ne dis pas que c'est pas bon que l'homme améliore sa vie. Je dis qu'un jour, l'homme n'améliorera plus sa vie. Il créera sa vie. Il y a une différence. Alors, qu'est-ce que ça prend pour que l'homme crée sa vie? Il faut qu'il soit dans son intelligence. Un point, c'est tout. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de penser à créer sa vie. Elle se crée seule, sa vie. Mais tant que l'homme pense à améliorer sa vie, il doit se servir des idées. Et les idées sont toujours à la mesure de sa société. Les idées que vous avez aujourd'hui sont en fonction de votre société aujourd'hui. Elles ne sont pas en fonction de ce que vous vivrez dans l'an 2050. Si vous aviez les idées aujourd'hui qui serviraient à l'an 2050 et que vous alliez sur le marché pour les exploiter, vous seriez retourné, vous seriez peut-être même abattu. Si vous aviez des idées aujourd'hui pour réduire le problème du pétrole dans le monde, on vous ferait sauter, ce ne serait pas long. Il y aurait des petits barbus qui viendraient du Moyen-Orient pour vous tirer les orteils. Pourquoi? Parce que vous chercheriez en tant qu'individu à déséquilibrer les forces sataniques. L'homme ne peut rien contre les forces sataniques. Pourquoi? Parce que les forces sataniques font partie de l'évolution. La neutralisation des forces sataniques sur la Terre se fera dans l'individu lui-même. Chez l'individu lui-même, ce ne sera jamais fait d'une façon collective. Regardez ceux qui sont dans l'éducation, qui travaillent dans l'éducation, qui ont des idées. Ils ne peuvent pas changer l'éducation. Ceux qui sont dans l'industrie, qui ont des idées, ils ne peuvent pas changer le courant de l'industrie. Regardez le phénomène de la pollution aux États-Unis. Le gouvernement Reagan est contre la pollution ou contre le développement de méthodes pour cesser la pollution sur les... dans les régions qui sont frontalières. Pour des raisons. Il y a des raisons intelligentes. L'idée ne peut rien faire dans le monde. Elle ne crée que des conditions pour maintenir dans le monde la perturbation chez l'homme. Les Chinois ont inventé la poudre, aujourd'hui on s'en sert. Les généticistes ont développé des méthodes, aujourd'hui on s'en sert. Les physicistes ont développé la théorie de l'énergie, aujourd'hui on s'en sert. L'idée, elle sert toujours à perturber le monde. Elle ne sert pas à créer une nouvelle condition de vie. Et les hommes sont lents à réaliser ceci. Et sur le plan de la vie personnelle, c'est la même chose. Même si l'influence est moins grande, c'est le même mécanisme. Si vous avez une idée, elle ne sert pas à changer votre vie. Elle ne sert qu'à améliorer votre sort. Mais ce n'est pas parce que vous améliorez votre sort que vous sortez de votre sort. Il n'est simplement qu'améliorer votre sort. En 1952, vous n'aviez pas de télévision. Aujourd'hui, vous en avez une. Ça a amélioré votre sort, mais ça n'a pas changé votre sort. Vous avez encore le problème de la télé. Et c'est très, très, très, très, très difficile à l'homme de comprendre ceci parce que l'homme n'est pas homme. C'est-à-dire que l'homme est un être expérimental. Il n'est pas homme. L'homme n'est pas expérimental. Il est intelligent. L'homme n'est pas intelligent, il est expérimental. Avec des idées qui lui viennent de certains plans, qui deviennent son intellect, nourri par son émotivité. Donc l'homme n'est pas homme. Si l'homme était homme, il n'aurait aucune idée. Il est aussi naturel à l'homme de demain de n'avoir aucune idée qu'à l'homme d'aujourd'hui d'en avoir. C'est anti-homme d'avoir des idées. Mais c'est très difficile à l'homme de concevoir ceci. Parce que lorsqu'il conçoit ne pas avoir d'idée, il ne s'en conçoit pas. L'homme ne peut pas se concevoir sans idée. Pourquoi? Parce que s'il se concevait sans idée, il mourrait de sa nature humaine. Il vivrait une dépression totale sur le plan de mentation et d'émotivité. C'est ça la mutation, la fusion. La destruction de l'ego. La mutation de l'homme. Avant que l'homme vive de son double, au lieu de vivre de son biologisme, il y a un certain nombre d'années. Je ne vous ai pas invité au restaurant l'autre fois. C'était beaucoup mieux pour vous que je ne vous invite pas que de vous inviter. Parce qu'en ne vous invitant pas, ça fait un travail, hein? C'est ça de l'intelligence. Nous n'avons pas d'idée de la nature de l'homme parce que nous avons trop d'idées sur l'homme. Parce que nous avons trop d'idées sur nous-mêmes. C'était pour tuer l'idée sur vous-même. L'ego se nourrit d'idées. L'intelligence n'en a pas besoin. L'intelligence n'a pas besoin d'idées. Si l'intelligence avait besoin d'idées, ce ne serait pas intelligent. Elle devrait être nourrie par quoi? Par moins qu'elle? Donc, dans les années qui viennent, au fur et à mesure que l'homme évolue, autrement dit, au fur et à mesure que l'homme passe d'un stage expérimental à un stage de réalisation, de création ou d'imagination créative ou d'imagination pure, il doit perdre de plus en plus la notion de ses idées. Et plus il perdra la notion de ses idées, plus il se produira chez lui une séparation entre son esprit et son âme. Parce que c'est l'âme qui garde les idées, qui les congèle chez l'homme. Tandis que dans l'esprit, il n'y a pas d'idées. Essayez de vous imaginer un esprit qui pense. Ça a l'air con, hein? Moi, je suis sûr que vous êtes capable. L'esprit sait. Quand tu sais, tu n'as pas besoin d'idées. Dans le fond, avoir des idées, c'est l'expression même de ne pas savoir. Plus tu as d'idées, moins tu sais. Regardez les philosophes. L'idée empoisonne l'esprit, nourrit l'âme. L'esprit de l'homme aujourd'hui est totalement empoisonné, pollué. Si jamais vous avez l'occasion d'aller dans certains États américains, surtout en Floride, et que vous regardez la télévision, vous verrez la pression psychologique à laquelle est soumise le peuple américain et les touristes québécois avec la télévision, le marketing. C'est inouï. C'est absolument inouï. Et tant que l'homme n'arrivera pas à vivre sans le support psychologique de l'idée pour améliorer sa vie, il ne sera pas capable de se servir de sa volonté. Pourquoi? Parce que la volonté est une réalisation dans la matière d'une entité invisible qui est le double de l'homme. La volonté n'a rien à faire avec l'homme. Elle est une entité totalement à part de l'homme. Elle attire à lui l'homme biologique en changeant la vibration de ses corps lorsqu'il peut vivre la volonté, lorsqu'il peut la faire déclencher en lui, cette volonté. Parce que les idées bloquent la volonté. Parce que les idées mènent à rationaliser le comportement humain. La situation humaine, le statu quo humain, l'idée fait rationaliser l'homme. Elle tue en lui le pouvoir du double. Très dangereux, l'idée. Combien d'hommes sont demeurés dans un statu quo pendant des années parce que leur statu quo était constamment alimenté par des idées? des idées de survie, des idées de ne pas perdre la job, des idées de ne pas perdre sa femme, des idées de... Il y a des gens qui auraient dû perdre leur femme il y a 20 ans. Mais l'idée de perdre leur femme dans ce temps-là, c'était dur. Les idées de la belle-mère ensuite, ben papa, ça reste... Alors, avoir de l'idée, c'est tellement dangereux que ça tue l'esprit dans l'homme. Ça fait que chaque fois que vous aurez une idée, vous boirez un coup à mon nom. J'ai l'impression que je vais me saouler. Moi, je n'ai pas d'idée de ce que je vous dis. C'est ça qui est merveilleux, d'ailleurs. C'est justement parce que je n'ai pas d'idée de ce que je vous dis que ce que je vous dis est important. Si j'avais de l'idée de ce que je vous dis, à ce moment-là, on pourrait faire de la discussion. Mais c'est parce que je n'ai pas d'idée de ce que je vous dis. J'ai même pas d'idée de ce que je dis. Que c'est merveilleux. Je voudrais même pas avoir d'idée parce que je serais obligé de penser à ce que je dis. Mon plaisir dans la vie, c'est de ne pas avoir d'idée. Pourtant, je parle. Mais le mécanisme de l'idéation, je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais en tout cas, le mécanisme de la formation de l'idée. L'idée est d'abord formée, formulée par le fait que nous avons une émotion en nous de quelque chose. Déjà, l'homme est en dehors de son intelligence, aussitôt qu'il la formule, l'idée. Parce qu'il y a déjà une émotion. L'idée peut être très bonne à sa vue, parce que l'émotion, elle est grande. J'avais un ami parmi vous ce soir qui est venu me voir et qui avait une très bonne idée pour avoir un centre dans le nord, dans le bout de Sherbrooke, dans les cantons de l'Est. Une très belle idée. L'émotion, elle est bonne. Mais elle donne naissance à une idée. C'est dans le temps qu'on saura si, oui, ça va. Quelles sont les conditions? Mais ce n'est pas en passant par l'idée que nous pouvons le savoir.